Chapitre 4. Le lendemain, au point du jour, Juan Pasquale reçut l'ordre de se rendre au palais de l'Alcazar. Il obéit aussitôt et trouva Don Pedro déjà levé qui l'attendait. « Seigneur Pasquale, dit le roi aussitôt qu'il aperçut le primer assistente, avez-vous entendu dire qu'il se soit passé quelque chose de nouveau cette nuit à Séville ?»« Non, sire, répondit Pasquale. Alors votre police est mal faite, car entre 11 heures et minuit, un homme a été tué dans la rue de la Candile, derrière la Giralda. Cela se peut, sire, et si le fait est vrai, on retrouvera le cadavre. Mais votre tâche, seigneur assistente, ne se borne pas à trouver les cadavres, elle est de découvrir l'assassin. Je le découvrirai, mon seigneur. Je vous donne 3 jours, et souvenez-vous que, d'après nos conventions, vous répondez du vol et du meurtre, argent pour argent, tête pour tête, allez !» Juan Pasquale voulut faire quelques observations sur la brièveté du délai, mais Don Pedro sortit de l'appartement sans les écouter. Le primer assistente revint chez lui fort préoccupé de cette affaire et y trouva la garde de nuit qui, ayant le corps d'Antonio Mendes, venait lui faire son rapport. Mais ce rapport ne contenait aucun éclaircissement. La patrouille, en passant par la rue de la Candile, avait heurté un cadavre, et ayant porté ce cadavre au-dessous d'une lampe qui brûlait sur une place voisine devant une image de la Vierge, elle avait reconnu son chef Antonio Mendes, mais de l'assassin aucune nouvelle, la rue de la Candile étant complètement solitaire au moment où le cadavre avait été retrouvé. Juan Pasquale se rendit aussitôt sur le lieu de l'assassinat. Cette fois, la rue était pleine de monde et les curieux étaient rassemblés en demi-cercle devant une borne au pied de laquelle stagnait une mare de sang. C'était là qui était tombé Antonio Mendes. Le primer assistente interrogea tout le monde, mais nul n'en savait plus que le juge lui-même. Il entra dans les maisons environnantes, mais soit qu'ils eussent peur de se compromettre, soit qu'effectivement ils ignorassent ce qui s'était passé, ceux qui les habitaient ne purent lui donner aucun détail. Pasquale revint chez lui, espérant que pendant son absence, quelques découvertes auraient été faites. On ne savait rien de nouveau. La garde, interrogée une seconde fois, déclara seulement qu'elle avait trouvé Mendes tenant encore son épée nue, ce qui prouvait qu'il s'était défendu contre son assassin. Juan Pasquale se rendit près du corps, l'examina avec soin. L'épée était entrée au sein droit et était sortie au-dessous de l'épaule gauche. Le pauvre Antonio faisait donc bravement face à son ennemi. Mais tout cela ne disait pas qu'elle était son ennemi. Juan Pasquale passait la journée en conjectures. Mais toutes ces conjectures ne l'amenèrent pas même jusqu'à l'ombre d'une probabilité. La nuit se passa sans rien produire de nouveau. Au point du jour, il reçut l'ordre de se rendre au palais. « Eh bien, lui demanda Don Pedro, connais-tu l'assassin ?»« Pas encore, monseigneur, répondit Pasquale, mais j'ai ordonné les recherches les plus actives. »« Tu as encore 2 jours, dit le roi, et il rentra dans son appartement. » Juan Pasquale passa cette journée en nouvelles recherches. Mais ses recherches, comme celles qui les avaient précédées, furent infructueuses. La nuit vint sans avoir rien amené et s'écoula comme la précédente. Au point du jour, Pasquale fut mandé au palais. « Eh bien, lui demanda Don Pedro, qu'as-tu de nouveau ?»« Rien, monseigneur, répondit Pasquale, plus honteux encore de l'inutilité de ses recherches qu'inquiet pour lui-même. « Il te reste 1 jour, dit froidement le roi. « C'est plus qu'il n'en faut à un juge aussi habile que toi pour découvrir le coupable. » Et il rentra dans son appartement. Juan Pasquale réunit dans cette journée tous les témoignages qu'il put obtenir, mais ces témoignages réunis ne jetaient aucun jour sur l'affaire. Tout était bien clair sur la victime, mais quelque chose que put faire le primer assistente, le côté de l'assassin restait toujours dans l'ombre. Le soir vint. Juan Pasquale n'avait plus qu'une nuit. Il résolut de visiter une dernière fois le lieu du meurtre, espérant que c'était de ce lieu et de ses environs que devait jaillir quelque clarté. Le meurtre d'Antonio Mendes s'était déjà oublié et la pierre, rouge encore, était le seul témoignage qui resta. Juan Pasquale s'arrêta devant cette dernière trace du crime qui allait s'effaçant elle-même, comme si tous les indices dussent lui manquer. Il y était immobile et pensif depuis une demi-heure lorsqu'il crut s'entendre appeler. Il retourna la tête, et à la fenêtre en face de la maison de Léonore de Haro, il vit une vieille femme qui lui faisait signe qu'elle avait quelque chose à lui dire. Dans la circonstance où se trouvait le juge, aucun avis n'était à négliger. Il s'avança donc sous la fenêtre. Au même moment, une clé tomba à ses pieds et la fenêtre se referma. Il comprit que la vieille ne voulait pas être vue. Il ramassa la clé et l'essaya à la porte. La porte s'ouvrit, Juan Pascual entra, et voulant mettre de son côté le même mystère que la vieille mettait du sien, il referma la porte derrière lui. Alors il se trouva dans une allée sombre et étroite au bout de laquelle il heurta un escalier. La fenêtre que la vieille avait ouverte était au second. Cet escalier devait naturellement conduire à sa chambre. Juan Pascuale saisit donc la corde qui servait de rampe et commença de monter les degrés. Arrivé au second étage, il vit une faible lumière qui se glissait à travers une porte entrouverte. Il arriva à cette porte, la poussa, et à la lueur d'une petite lampe de fer, il reconnut la vieille qu'il avait vue à la fenêtre. Elle lui fit signe de fermer la porte, il obéit, puis, s'avançant vers elle, « C'est vous, ma bonne femme, qui m'avez fait signe de monter ?»« Oui, lui répondit-elle, car je me doutais de ce que vous cherchiez. »« Et pourriez-vous me donner quelques renseignements sur ce que je cherchais ?»« Peut-être bien, si vous jurez de ne pas me compromettre. »« Je vous le jure, et de plus, je vous promets une récompense considérable. »« Oh, c'est moins la récompense qui ne fera pas de mal cependant, car je ne suis pas riche, que le regret de voir un aussi brave homme que vous dans la peine qui m'a décidé. » Car nous savons bien que vous n'avez plus que d'ici à demain pour trouver le meurtrier, et que si sa tête ne tombe pas, la vôtre doit tomber à sa place. Or, que deviendrait cette pauvre cité de Séville si elle n'avait plus son bon juge? Eh bien, parlez donc, bonne femme, au nom du ciel, parlez. Il faut vous dire, continua la vieille, que la maison en face de celle-ci appartient au comte Salluste de Haro. Je le sais. Elle était habitée par sa sœur Léonore. Je le sais encore. Eh bien, la signora avait pour amant un beau cavalier qui venait toutes les nuits enveloppé de son manteau, s'arrêtait devant la maison et frappait trois fois dans ses mains. Alors la porte s'ouvrait, le cavalier entrait et ne ressortait plus qu'une heure avant le jour. Après, hier au matin, le frère, qui avait sans doute appris l'intrigue, est venu et il a enlevé sa sœur, ne laissant dans la maison qu'une vieille gouvernante à qui il a défendu d'ouvrir à qui que ce soit, de sorte que hier, quand le cavalier est venu, il a trouvé la porte fermée. Continue, j'écoute. Eh bien, comme cela ne faisait pas son affaire et que la gouvernante, fidèle à sa consigne, ne voulait pas lui ouvrir, il a tenté d'enfoncer la porte. Violence, murmura Pasquale. C'est dans ce moment qu'est venu le pauvre Antonio, qui a essayé de le faire partir. Mais le cavalier n'a rien voulu entendre et, tirant son épée, il a tué Antonio. Sur mon âme, voilà des détails précieux. S'écria Pasquale. « Mais ce cavalier, quel est-il ? Ce cavalier ? Oui, ce cavalier qui venait toutes les nuits. Ce cavalier qui a tué Antonio. Sans doute, ce cavalier qui a tué Antonio. Eh bien, c'est le roi, dit la vieille. Le roi ? S'écria Juan Pasquale. Le roi lui-même. Avez-vous donc vu son visage ? Non. Et à quoi l'avez-vous reconnu alors ? À ce que ses os craquent en marchant. « C'est vrai, s'écria le juge, j'ai remarqué en lui cette singularité. Femme, tu auras ce soir la récompense promise. Et le secret toujours ? Toujours. Dieu vous garde alors, mon bon juge, et ce sera un jour heureux pour moi que celui où j'aurai conservé votre vie, qui nous est précieuse à tous. » Alors Juan Pasquale, prenant congé de la vieille, rentra chez lui et envoya aussitôt un message à l'Alcazar. C'était une assignation à Don Pedro, roi de Castille, de comparaître le lendemain par devant le tribunal du primaire assistente.